Deuxième livre des Chroniques, chapitre 18. Or Josaphat ayant de grandes richesses, et une grande gloire fit alliance avec Achab. Et au bout de quelques années il descendit vers Achab à Samarie, et Achab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et le persuada de monter contre Ramoth de Galaa. Car Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat roi de Juda, ne viendras-tu pas avec moi contre Ramoth de Galaa? Et il lui répondit, compte sur moi comme sur toi, et sur mon peuple comme sur ton peuple, nous irons avec toi à cette guerre. Josaphat dit aussi au roi d'Israël, je te prie qu'aujourd'hui tu t'enquières de la parole de l'Éternel. Et le roi d'Israël assembla 400 prophètes, auxquels il dit, irons-nous à la guerre contre Ramoth de Galaa, ou m'en désisterai-je? Et ils répondirent, monte, car Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il point encore ici quelques prophètes de l'Éternel, afin que nous l'interrogions? Et le roi d'Israël dit à Josaphat, il y a encore un homme par lequel on peut s'enquérir de l'Éternel, mais je le hais, parce qu'il ne prophétise rien de bon, quand il est question de moi, mais toujours du mal, c'est Michée fils de Jinla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle point ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque, et lui dit, fais venir en diligence Michée fils de Jinla. Or le roi d'Israël et Josaphat roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits, ils étaient assis en la place vers l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient en leur présence. Alors Sidkija fils de Kenaana, s'étant fait des cornes de fer, dit, ainsi a dit l'Éternel, tu heurteras avec ces cornes les Syriens, jusqu'à les détruire entièrement. Et tous les prophètes prophétisaient la même chose, en disant, monte à Ramoth de Galaa, et tu prospéreras, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Or le messager qui était allé appeler Michée, lui parla, en disant, voici, les prophètes prédisent tous d'une voix du bonheur au roi, je te prie donc que ta parole, soit semblable à celle de l'un d'eux, et prophétise-lui du bonheur. Mais Michée répondit, l'Éternel est vivant, que je dirai ce que mon Dieu dira. Il vint donc vers le roi, et le roi lui dit, Michée, irons-nous à la guerre contre Ramoth de Galaa, ou m'en désisterai-je? Et il répondit, montez, et vous prospérerez, et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, jusqu'à combien de fois t'adjurerai-je, que tu ne me dises que la vérité au nom de l'Éternel? Et Michée répondit, j'ai vu tout Israël dispersé par les montagnes, comme un troupeau de brebis qui n'a point de pasteur, et l'Éternel a dit, ceux-ci sont sans seigneur, que chacun s'en retourne dans sa maison en paix. Alors le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas bien dit qu'il ne prophétise rien de bon, quand il est question de moi, mais du mal? Et Michée dit, écoutez pourtant la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel a dit, qui est-ce qui induira Achab roi d'Israël à monter, afin qu'il tombe en Ramoth de Galaa? Et il ajouta, l'un dit d'une manière, et l'autre d'une autre. Alors un esprit s'avança, et se tint devant l'Éternel, et dit, je l'y induirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Et il répondit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, oui tu l'induiras, et même tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Maintenant donc voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sidkija fils de Kenaana s'approcha, et frappa Michée sur la joue, et lui dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel, s'est-il retiré de moi pour te parler? Et Michée répondit, voici, tu le verras le jour que tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Alors le roi d'Israël dit, qu'on prenne Michée, et qu'on le mène à Amon, capitaine de la ville, et vers Joab fils du roi, et qu'on leur dise, ainsi a dit le roi, mettez cet homme en prison, et ne lui donnez qu'un peu de pain à manger et un peu d'eau à boire, jusqu'à ce que je retourne en paix. Et Michée répondit, si jamais tu retournes en paix, l'Éternel n'aura point parlé par moi. Il dit encore, entendez cela peuple, vous tous qui êtes ici. Le roi d'Israël donc monta avec Josaphat roi de Juda, contre Ramoth de Galaa. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, que je me déguise, et que j'aille à la bataille, mais toi, vais-toi de tes habits. Le roi d'Israël donc se déguisa, et ils allèrent ainsi à la bataille. Or le roi des Syriens avait commandé au capitaine de ses chariots, en disant, « Vous ne combattrez contre personne, que contre le roi d'Israël. » Il arriva donc qu'aussitôt que les capitaines des chariots eurent vu Josaphat, ils dirent, « C'est ici le roi d'Israël, » et ils l'environnèrent pour le combattre. Mais Josaphat s'écria, et l'Éternel le secourut, et Dieu les porta à s'éloigner de lui 32. Or dès que les capitaines des chariots eurent vu que ce n'était point le roi d'Israël, ils se détournèrent de lui. Alors quelqu'un tira de son arc de toute sa force, et il frappa le roi d'Israël entre les tassettes et le harnois, et le roi dit à son cocher, « Tourne ta main, et mène-moi hors du camp, car on m'a fort blessé. » Il y eut en ce jour-là un très rude combat, et le roi d'Israël demeura dans son chariot, vis-à-vis des Syriens, jusqu'au soir, et il mourut vers le temps que le soleil se couchait.